Bonjour, ben bonsoir, s'il est le soir maintenant. Je commence à trouver intéressant quand même d'échanger par rapport à ce que les gens m'écrivent. Il y en a un là, ou une, je sais pas trop là, Alf, Alf, qui me dit qu'elle me souhaite réellement de me libérer d'une colère qui vide. Premièrement, je me sens pas du tout sous le joug d'une colère qui est vide. Et puis la colère envers les plans occultes est ce qui permet d'avoir quelque chose à transmuter pour engendrer une volonté qui va permettre de, justement de se transmuter soi-même. En tout cas, chez moi, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Donc, puis je me sens pas du tout vidé par la colère, au contraire. D'ailleurs, il y a une dame dans une espèce de une madame nouvel âge là, que j'avais rencontrée dans un magasin, et puis j'essayais de lui parler de la colère, et elle comprenait pas que je parlais de la colère contre ce qui est occulte, contre les plans. Et puis, elle avait dit, oh, la colère, ça rend malade, ça fait vieillir plus vite. Puis j'étais plus jeune à l'époque, mais je lui avais dit, j'ai dit, moi, je suis jamais malade, et puis je suis tout le temps en colère. Je suis tout le temps en une très grande colère. Et puis, elle avait dit, oui, mais ça fait vieillir plus vite. Donc, je lui ai dit, quel âge me donnez-vous? Puis là, elle dit, oh, 19, 20 ans. Puis à l'époque, j'avais 32 ans. J'avais dit, madame, j'ai 32 ans. Il y a une autre dame à côté qui était partie à rire, qui avait trouvé ça pas mal comique. Par rapport à la colère envers les plans, c'est la chose la plus énergisante. Une fois qu'il y a une capacité de transmuter ça, de s'en servir comme d'un carburant, c'est la chose la plus énergisante qu'il n'y a pas. Et c'est ce qui permet justement de se dépasser, comme je disais. Parce qu'une fois qu'on n'a plus d'espérance au sens psychologique ou spirituel du terme, puis qu'on ressent surtout une grande colère par rapport à ce qu'on pourrait appeler le mensonge. Vous savez, la perception est infiltrée. Jusqu'à un certain point, quand on va aller au-delà, on se rend compte que c'est fait sciemment. Il y a quelque chose d'un mensonge. L'être humain est tenu en laisse. Mais c'est lié à, semble-t-il, la nature de la planète que nous habitons. J'ai pas beaucoup écouté M. Ménard, Daniel Ménard. Mais, selon moi, il a certainement déjà dû parler. Les forces mercuriennes. Ce qui fait que nous avons la possibilité d'avoir développé l'intellect et puis une pensée cohérente, c'est ce qu'on pourrait appeler les forces mercuriennes. Par rapport là, à l'initiation solaire, j'en ai connu des gens qui l'avaient débuté et qui ne l'ont jamais fini. Ils sont décédés. Dont un que je me souviens, que je peux considérer que c'était commencé. Mais il ne s'est jamais rendu à la fin. Finalement, c'est ça, là. Parce que je lisais aussi, on me disait, quelqu'un qui a eu son initiation solaire ne peut pas se suicider. Oui, mais quelqu'un qui l'a complété. D'accord? Parce que tant qu'une initiation n'est pas finie, il peut toujours y avoir un retour en arrière. Par rapport, là, les forces mercuriennes, si le système nerveux sur Terre a une certaine cohérence, ce serait dû à ces forces-là. Pas juste Mercure en tant que globe matériel, mais en tant que sphère au niveau de son influence régulatrice. Pourquoi? Parce que le Soleil, en tant que globe ou en tant que sphère, c'est quelque chose de beaucoup trop fort pour les petits êtres en développement que nous sommes collectivement. Et Mercure serait là pour réguler certaines choses. Chose intéressante, le soleil ne se consumerait pas. Des choses s'échappant de lui se consumeraient. Mais lui serait entièrement ou presque un phénomène électromagnétique. C'est-à-dire que les métaux dont il est composé réagiraient au niveau électromagnétique, un peu comme une sphère d'acier dans un four à micro-ondes qui crépiterait. Mais au point de devenir rougeoyante et que des gaz s'échappent et puis. Et le soleil, imaginez-le ou pas, ou c'est difficile à concevoir, mais beaucoup de gens ont canalisé qu'il serait habité par des êtres dont la fréquence est tellement haute qu'ils peuvent l'habiter. Mais là, on entre dans d'autres choses. Mais je vois que j'ai commencé à parler des sujets qui choquent. C'est-à-dire que les sujets qui choquent, ce n'est pas nécessairement la pandémie, entre guillemets, la pandémie, ces choses-là. Non. C'est les sujets qui choquent réellement, si on dit notre nature au fond. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour maintenant. Puis, je dois vous avouer que c'est certain que je vais revenir. Il y en a qui m'avaient, à qui j'avais répondu, qui m'ont re-répondu. Je voyais ça dans ma boîte courriel. Un tel vous a répondu, un tel vous a répondu. C'est certain que je vais consacrer une journée à re-répondre à tout le monde qui m'ont répondu. Parce que l'échange avec les gens reste un catalyseur. C'est très intéressant. Puis, dans les derniers jours, j'ai recommencé à avoir. Vous savez, là, c'est comme une espèce de bourdonnement. Que j'entends, qu'au début je trouvais extraordinairement déplaisant, là, il y a une dizaine d'années, qui me troublait beaucoup, mais maintenant c'est devenu quelque chose que je considère comme réjouissant. Donc, bonne journée, bonne soirée à vous.